Bien-aimés, je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais parler un peu de ce problème qu'on trouve aujourd'hui dans l'Église et qui est vraiment regrettable. Frères, vous allez remarquer, et c'est vraiment regrettable, que de nos jours, des enfants de Dieu font la guerre les uns les autres. Ça y est, on va livrer celui-là, on attaque dans la maison de Dieu. C'est vraiment regrettable. C'est-à-dire aujourd'hui, un frère te voit faire un truc ou une sœur, il court faire une vidéo. Mais non, Jésus-Christ a dit, soyez un comme moi et mon Père, on est un. C'est simple, soyons un. Et Jésus dit, si tu vois ton frère, ta sœur, n'est-ce pas, faire ce qui n'est pas bien, un péché, va le trouver, tu l'exhortes. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et s'il ne t'écoute pas, prends deux personnes. Si après ça, il ne veut rien entendre, tu peux le dire à l'église. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la procédure. On ne passe plus par cette façon de faire. On fait comme on veut. On fait selon le monde. Une fois que tu vois, ça y est, tu vas mettre à nu. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on voit en face de nous, nos adversaires, nos ennemis, c'est-à-dire le diable et sa cohorte des démons? Vous allez remarquer que les personnes qui travaillent avec lui sont solidaires. Regardez un peu la réaction des faux hommes de Dieu lorsqu'un faux homme de Dieu est traduit en justice, que ce soit pour magouille financière, que ce soit pour viol. Ils interviennent en faveur de leurs collègues, n'est-ce pas? Et vous ne verrez pas un faux homme de Dieu venir étaler une vidéo pour attaquer un autre faux homme de Dieu. Ah non, ils sont solidaires entre eux. Lorsque l'un d'eux a des problèmes, les autres le défendent. Mais du côté de Christ, qu'est-ce qu'on voit? La guerre dans l'église, des disputes les uns les autres, la jalousie, des querelles, des jugements. C'est vraiment regrettable. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est d'obéir à notre Maître et Seigneur Jésus. Vous allez remarquer que la première personne qui va livrer Satan publiquement en spectacle, lui et ses œuvres, cette personne s'appelle Christ Jésus. C'est Jésus qui a été le premier à livrer Satan publiquement en spectacle. Mais pourquoi Jésus livre Satan en spectacle? Parce que Satan était caché. Satan était caché. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez aujourd'hui, dans nos villes, dans nos pays, ce qu'on appelle les sociétés secrètes. Les sociétés secrètes, c'est-à-dire des loges ésotériques où des choses se font, des mauvaises choses, bien sûr. Et c'est pourquoi le diable agit dans le secret. Jésus dit, celui qui fait le mal, qui est conscient qu'il fait le mal, agit dans le secret. Mais Jésus, lui, il parlait ouvertement, il faisait ces choses ouvertement, il n'a rien à cacher, il marche dans la vérité. D'accord? Et c'est pourquoi vous allez voir que les faux hommes de Dieu, en relation avec leur maître, celui qui leur donne le pouvoir de faire des miracles, ils sont solidaires. Alors que nous, enfants de Dieu, nous devons être comme ça. Parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes de Dieu. Et Jésus et son Père sont un. Nous aussi, nous devons être un. Frère, ma sœur, ce qui me touche ces derniers temps, c'est de voir que tous les enfants de Dieu ne font pas, ne dénoncent pas, ne mettent pas à nu les loups. C'est vraiment regrettable. Le loup, lorsqu'il rentre dans la bergerie, ce n'est pas pour caresser les brebis. Il vient pour manger, il vient pour se servir, il vient pour son ventre. Le faux homme de Dieu, ce faux prophète, ce faux pasteur, ce faux évangéliste, ce faux apôtre, ce faux docteur, révérend docteur, bishop, n'est-ce pas, général de ceci, ils ont inventé des noms que la Bible ne connaît même pas. Des noms que la Bible ne connaît même pas. Archibishop, général de Dieu. La Bible ne connaît pas ces choses. Ils ont inventé des noms parce qu'ils veulent faire croire aux hommes qu'ils sont puissants, super puissants. Ils font des miracles, ils font des prodiges, ils sont puissants. Ils étalent des vidéos sur Internet pour montrer qu'ils sont grands, qu'ils sont puissants, qu'ils font des choses extraordinaires. J'ai regardé tout dernièrement un faux homme de Dieu qui s'exprimait à la télé. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres aussi qui disent les mêmes conneries. Il dit, regardez ma bague. Cette bague-là, vous pouvez trouver une bague comme ça chez un marabout. Vous pouvez trouver une bague comme ça. Quel marabout a les moyens d'acheter ce genre de bague? Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Je me suis dit, mon Dieu, cet homme peut se permettre de dire ce genre de conneries parce qu'il a en face de lui des novices, des gens qui ne connaissent pas ces choses. Moi, pendant 2 ans, j'étais à côté d'un grand marabout. Qu'est-ce que je voyais de mes yeux? Quand un faux homme de Dieu venait le voir, le plus souvent c'était la nuit. La nuit, il venait le voir. Alors, le marabout lui montre les bagues qu'il a déjà lui-même travaillées. Et il te demandait de choisir. Si parmi ces bagues, il n'y a aucune bague qui te plaît, il disait à la personne, j'ai vu ça, il disait à la personne, va acheter ta bague, tu me l'amènes, je vais la travailler. Donc, il faut comprendre que les bagues que vous voyez sur les doigts des faux hommes de Dieu ne sont pas forcément les bagues proposées par le marabout. Il disait aux personnes, bon, si mes bagues ne te plaisent pas, va acheter la bague, ta bague à toi, tu me l'amènes et je la travaille. Donc, lorsque il vous dit, est-ce qu'un marabout peut avoir une bague comme ça, mais il se moque de vous. Il se moque de vous. Moi, j'ai vu le marabout dire à la personne, va acheter ta bague à toi, tu me l'amènes, je la travaille. Et tu viendras la chercher quand le boulot sera fini. J'ai vu ça. Donc, toutes les bagues que vous voyez des faux hommes de Dieu porter ne sont pas forcément des bagues achetées par le marabout lui-même. Non, le marabout te disait, va chercher ta bague à toi, tu me l'amènes et moi, je travaille la bague. Voilà. Donc, je voulais juste fermer cette parenthèse que si vous avez entendu cet homme vous dire ça, il se moquait de vous. J'aurais été là. J'allais lui dire, monsieur, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai été à côté d'un marabout qui faisait les bagues. Parfois, le pasteur lui-même, le faux pasteur, allait acheter sa bague à lui. Il la porte chez le marabout et le marabout travaille la bague. Moi, j'ai vu ça. Ok. Deuxièmement, ces faux hommes de Dieu qui veulent vous faire croire que la bague ne sert à rien, la bague n'y est pour rien dans la puissance des miracles, des délivrances. Je vous dis que c'est un mensonge. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit que tout ce qui avait touché à la sorcellerie, à la magie, aux pratiques occultes, les hommes amenaient ces choses vers les disciples et on brûlait. La Bible dit on brûlait devant tout le monde. Cet homme qui est bardé de bagues au doigt et qui vous dit que les miracles ne viennent pas de bagues. Parce que moi, je dis qu'ils viennent des bagues. J'ai vu comment le marabout vendait les bagues. J'ai vu. C'est pas on m'a dit. J'ai vu. Donc, si cet homme veut vraiment être honnête avec vous, qu'il se débarrasse de ces bagues, qu'il les brûle. Qu'il les brûle. Puisque les gens ont les doutes. Moi, si j'ai des bagues et que je trouve que mes fidèles ont des doutes sur mes bagues, pour leur prouver ma bonne foi, pour leur prouver que c'est Dieu qui a joué avec moi, j'appellerai mes fidèles devant tout le monde. Celui qui veut filmer, filme. Je pose les bagues, on les brûle. Pour prouver ma bonne foi à mes fidèles. Pour prouver à mes fidèles que ça ne vient pas de la bague. Je me débarrasse de bagues. Comme ça, il n'y aura plus les doutes dans les cœurs. Comme ça, il n'y aura plus de fidèles qui pensera que c'est la bague. Je me débarrasse devant tout le monde. Devant tout le monde. Enfant de Dieu. Si cet homme te dit que la bague n'y est pour rien dans ce qu'il fait, il ment. Il ment. Pendant 2 ans, mes parents m'ont amené vers un grand marabout qui, parce que j'étais malade, et ce marabout, je l'ai vu faire des choses. D'accord? Je l'ai vu faire des choses. Donc, celui qui va vous dire que la bague ne sert à rien, je l'ai vu travailler les bagues. Je l'ai vu travailler les mouchoirs. Il te proposait des mouchoirs ou bien tu amènes ton mouchoir à toi. Tu amènes ton mouchoir, il travaille. Tu viens chercher le mouchoir après 2 ou 3 jours, quand il a terminé le boulot. Que ce soit des hommes, ils vendaient aussi des crucifix, des chaînettes, avec gros crucifix ici, gros crucifix, des chaînettes. Ils vendaient ça. Cet homme aussi travaillait des huiles d'olive. Il faisait des prières dessus pour qu'il y ait des miracles, des visions, quand les gens vont utiliser ce tout-là. Mais c'est un marabout qui le fait. Vous savez très bien que derrière le marabout se trouve Lucifer. Vous savez très bien que Dieu n'est pas derrière un marabout. Vous savez très bien que c'est Satan qui est derrière un marabout. Donc vous devez comprendre que ce qui se fait là, les miracles que vous voyez là ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit ces faux-là feront des miracles. Ces miracles ne viennent pas de Dieu. Celui que Dieu n'appelle pas faux homme de Dieu, les personnes qu'il a envoyées. Donc si Jésus utilise le terme de faux, c'est parce que ce n'est pas lui qui a envoyé ces personnes-là. Mais Jésus nous informe quand même que vous verrez ces gens faire des prodiges, vous verrez ces gens faire des miracles, mais ce n'est pas Dieu qui est avec eux. Ils feront des miracles pour séduire les gens, pour attirer les gens vers eux. Mais il faut comprendre que si Dieu ne te donne pas le pouvoir de faire des miracles, et si tu fais quand même les miracles, ces miracles viennent de Satan. On a connu ça. Quand Moïse était en Égypte, Dieu fait des miracles par Moïse, Satan fait les miracles par les marabouts de Pharaon. Il y avait des miracles d'un côté à l'autre. Donc le diable aussi fait des miracles. Donc ces faux hommes de Dieu font des miracles avec les outils que Satan leur donne. Bague, mouchoir. Vous avez des mouchoirs travaillés. Quand il fait comme ça, le mouchoir là te touche, tu tombes par terre. Des mouchoirs. Le mouchoir que vous voyez là n'est pas simple. C'est un mouchoir qui a été travaillé. Vous avez des chaînettes avec gros crucifix. Le crucifix que vous voyez là, le crucifix là a été travaillé. Vous voyez des huiles d'onction. Et c'est pourquoi quand tu vas amener ce tulle dans ta maison, tu as amené les sorciers, les femmes de nuit, les hommes de nuit, les cauchemars. Tu verras des démons dans les rêves parce que ces esprits ont été liés à ces huiles-là. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec ces choses-là. Ce n'est pas Dieu. C'est pour l'envoûtement. Et une fois que tu seras envoûté, parce que, et ce que vous devez aussi savoir, les marabouts donnent des produits, des poudres. C'est-à-dire que cette poudre, tu dois la répandre dans la salle, dans ton église. Tu fais ça la nuit, quand il n'y a personne. Tu verses la poudre dans la salle. C'est une poudre d'envoûtement. D'envoûtement. C'est-à-dire que les personnes qui rentrent par là sont envoûtées. C'est la raison pour laquelle on peut leur dire des choses. Ils sont déjà envoûtés. Ils ne croient qu'à ce que le faux homme de Dieu dit. C'est un envoûtement. C'est un esprit d'envoûtement. Et si vous êtes dans cette situation, vous avez besoin de délivrance. De délivrance. Donc, vous avez les marabouts qui travaillent. Le diable n'a pas changé. C'est le même diable avec les mêmes démons. Dans Actes des Apôtres, vous connaissez l'histoire. La femme qui disait, Paul est un homme de Dieu. Il est venu ici pour vous annoncer la voie du salut. Est-ce que c'était un mensonge? Paul est bien un homme de Dieu. Paul était là pour prêcher l'évangile. C'était la vérité. Mais ça venait de la bouche d'une sorcière qui était possédée d'un démon de Python. C'est le démon de Python qui était en train de dire la vérité. D'accord? Donc, les faux hommes de Dieu qui ont recours à des fétiches, ils ont plusieurs catégories de démons qui travaillent pour eux, y compris le démon de la voyance. C'est-à-dire, il est capable de te dire des choses, certaines choses de ta vie passée. Il est capable de te dire ce qui s'est passé dans ta famille il y a de cela un mois, un an. Il est capable parce qu'il est renseigné, informé par des démons qui travaillent pour lui. Il faut comprendre que lorsque le marabout, par exemple, travaillait les bagues, il y est à des bagues des démons. C'est-à-dire qu'il appelait ces démons par des noms codés. Il attachait ces démons dans la bague et il prononçait en même temps le nom de la personne qui amenait la bague. Si vous vous appelez Luc, donc lorsqu'il va dire, il va parler à ces démons tel Luc, vous devez obéir à Luc au moment où il fait ses incantations avec des bougies allumées. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. Il faisait ça. Parfois dans la forêt, la nuit, ou bien il avait une salle noire où personne d'autre ne rentrait. Tout le temps, les fenêtres étaient fermées. Et là-bas, il y avait que des bougies. Et il y avait un pentagramme qu'il avait dessiné par terre avec une étoile à cinq branches. Et c'est là qu'il faisait ces choses. Donc, celui qui vous dit que les bagues sont là juste parce qu'on m'a offert la bague, il se moque de vous. Si cet homme veut vous prouver sa bonne foi, demandez-lui de brûler. Dites-lui, pasteur, pour enlever tout doute, ne les portez plus. Hein? Deuxièmement, est-ce que vous pouvez les brûler comme ça? Tout le monde, si cet homme de Dieu brûle les bagues devant vous, vous mettez les vidéos sur Internet, cet homme donnera, il prouvera au monde entier, il prouvera à n'importe qui que les bagues étaient là comme simples bijoux et non pour la puissance. Mais pourquoi il les garde? Pourquoi malgré les soupçons de puissance démoniaque par les bagues, lui continue à les porter? Je vous dis que si ces bagues n'avaient aucun effet, si ces bagues ne travaillaient pas, n'agissaient pas pour ces miracles, il se serait débarrassé de ces bagues depuis longtemps. Parce qu'il sait que tout le monde dénonce les bagues, les mouchoirs, les huiles. Mais si malgré ça, il est au courant, il continue à les porter, c'est parce qu'il ne peut pas s'en passer, c'est grâce à ces bagues qu'il fait des miracles. Sinon, il allait les enlever depuis. Sinon, il allait les enlever. Il allait dire, bon, écoutez, il y a des gens qui croient que je fais les miracles par les bagues. À partir d'aujourd'hui, vous ne me verrez plus avec les bagues. Ça, c'est les bagues que je portais. Venez voir, je vais les brûler. On filme, on met sur Internet. Là, les choses sont claires. Mais cet homme ne le fera jamais. il ne le fera jamais parce que sa puissance vient des bagues, sa puissance. Et puis, lorsque certains hommes de Dieu vous disent, écoutez, regardez cette bague. Vous croyez qu'un marabout peut acheter une bague comme ça? Vous savez combien coûte une bague? Le marabout est capable de faire cette bague. Bien aimé, cet homme se moque de vous. Je vous dis devant le Seigneur Jésus que cet homme se moque de vous. Moi, quand j'étais chez le grand marabout, quand un faux homme de Dieu venait, quelqu'un disait, voilà, je suis pasteur, je veux être homme de Dieu. Il dit ça au marabout, je veux faire des miracles. Le marabout dit, ok, voilà les bagues, les mouchoirs que j'ai. Et la personne regardait, s'il trouvait que parmi les bagues, il n'y a pas une bague qui l'intéresse, qui lui plaît, le marabout lui disait, c'est pas grave, va acheter toi-même, va acheter ta bague, tu me la portes. Le marabout disait ça, va acheter la bague, tu me la portes. Donc, dire que, est-ce qu'un marabout peut acheter une bague comme ça? Il se moque de vous. Toutes les bagues que les faux hommes de Dieu portent n'ont pas été fournies par le marabout. Parfois, le marabout te dit toi-même d'aller acheter ta bague à toi et tu l'amènes et lui va travailler dessus. Donc, il faut que les choses soient claires, qu'on ne se moque pas de vous. Je crois que l'heure est arrivée où, vous savez, plus on va aller vers le retour de Jésus, plus Jésus va livrer publiquement en spectacle les œuvres du diable. On n'a encore rien vu. C'est-à-dire que plus Satan va utiliser les faux hommes de Dieu, plus la lumière de Dieu va éclairer le monde au point où Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Il n'y a rien. Tout sera mis à nu. Tout. C'est-à-dire que tout ce que le diable fait avec les faux hommes de Dieu sera mis à nu. Il sera mis à nu. Et c'est ce qui se passe. Quelle que soit leur ruse, tout sera mis à nu. Tout ce qu'ils peuvent faire sera mis à nu. Et c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand mes enfants ne savent rien, ils périssent. On les roule dans la farine parce qu'ils sont ignorants. Et c'est pourquoi Dieu met ces choses à nu. Pour que la personne, qu'on ne vous roule plus, n'est-ce pas, comme dans la farine. Pour que vous sachiez que ça veut dire ça, ça veut dire ça. C'est pour vous avertir, pour que tu saches dans l'église où tu es. Si tu vois un homme de Dieu avec des bagues, si tu vois un homme de Dieu utiliser des mouchoirs pour mettre les gens en transe, pour faire les délivrances, si vous voyez un homme de Dieu utiliser des huiles, il vous fait boire. Dans la Bible, cette histoire de boire l'huile d'onction, c'est un mensonge. On ne boit pas l'huile, on vous fait boire l'huile, on vous fait plein de choses, boire l'eau bénite. Vous avez affaire à des marabouts. Ce sont des sorciers, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des sorciers. Il faut comprendre que Jésus-Christ est le maître. L'apôtre Paul suit, il dit, je suis imitateur de Christ. Paul imite Christ. Christ est le maître. Et Jésus a dit, un serviteur ne peut pas être plus grand que le maître. C'est moi le maître. Donc, regardez comment Jésus se comporte dans les évangiles. Il prêche la parole, il fait des miracles. Regardez ce que Jésus, les disciples font, Actes des apôtres, jusqu'à Apocalypse. Vous allez voir. Et ce qui met à nu les pratiques des hommes de Dieu, des faux hommes de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils mettent dans leurs pratiques, dans leurs enseignements, des choses que Jésus n'a jamais fait. Des choses que vous n'avez vu aucun disciple faire. Jamais un disciple a dit à qui que ce soit qu'on va bâtir l'autel pour ta délivrance. On va bâtir l'autel pour ta guérison. Jamais un disciple de Jésus a dit à qui que ce soit, tu veux la guérison? Donne d'abord une offrande. Ils ont inventé des mensonges. Et vous allez remarquer, ils sont allés même jusqu'à dire que on ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Ça, c'est un mensonge. On ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour que Pierre puisse paître les brebis de Dieu. Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis, Simon Pierre, si tu m'aimes. Paie mes brebis, Simon Pierre. Ce sera la preuve que tu m'aimes. Mais le faux homme de Dieu, il vient pas pour paître les brebis. Il vient pour se servir. Il vient pour manger les brebis. Et vous allez remarquer que le faux homme de Dieu n'a pas l'amour des brebis. Parce que le vrai serviteur de Dieu, il se dit, si Dieu m'a donné 200 âmes pour que je puisse leur enseigner, sa préoccupation, c'est de faire en sorte que ces personnes connaissent Jésus. qu'ils mangent la vraie parole de Dieu pour grandir spirituellement et connaître Jésus, afin que chacun d'eux ne dépende plus du pasteur, mais qu'il dépende de Jésus directement. C'est-à-dire qu'il parle à Jésus, parce qu'un chrétien mature ne passe plus par un pasteur. Un chrétien mature s'adresse à Jésus lui-même, il parle à Dieu, Dieu lui répond. C'est ça. Ça, c'est ça la maturité spirituelle. Mais le faux homme de Dieu, même s'il ne te voit plus à l'église, tu es malade chez toi, à la maison. Il n'y a pas de coup de fil. Il s'en fout. Parce que ce n'est pas le salut des âmes qui l'intéresse. Tu as un deuil, tu as un malheur, ce n'est pas son problème. Il ne vient même pas. Il ne t'appelle même pas. Il n'y a même pas de mes condoléances. Il s'en fout. Parce que lui, il est là pour le pognon. Le faux homme de Dieu est là pour le pognon. Le faux homme de Dieu n'a pas l'amour des brebis. C'est pourquoi vous allez remarquer dans les églises dirigées par les faux hommes de Dieu, les personnes qui ont plus de pognon occupent les premières places. Vous allez remarquer que les gens qui ont l'argent occupent les premières places. Parce que c'est l'argent qui les intéresse. Toi qui n'as pas l'argent, tu vas aller t'asseoir au fond de la salle. Il ne te connaît pas, il t'ignore. C'est des gens qui donnent des grosses sommes, des grosses enveloppes. Voilà, ce sont ces personnes-là qui occupent le devant. Ils sont devant. Toi qui es en Christ, dans son église, tu es là depuis longtemps, tu vas aller t'asseoir au coin. Mais celui qui vient de venir, comme il donne des gros billets, c'est lui qui occupe les premières places. Quand vous voyez ça, sachez que vous avez affaire à un loup. C'est un faux homme de Dieu. C'est pourquoi il privilégie les gens qui donnent beaucoup plus de pognon. Parce qu'il est là pour l'argent. Et c'est pourquoi il fait tout pour faire plaisir aux personnes qui donnent beaucoup d'argent. Vous allez remarquer qu'il ne les place pas par rapport à leur maturité spirituelle. Il les place parce qu'ils donnent beaucoup. Bon, toi qui donnes beaucoup d'argent, tu occupes le devant. Celui qui ne donne rien là, tu vas t'asseoir au fond. Ça, quand tu vois ça, tu as affaire à un faux homme de Dieu. Mais faux homme de Dieu, il sait très bien qu'il n'attend rien de Dieu. Il sait très bien qu'il est allé acheter un mouchoir au culte chez un marabout. Il sait très bien qu'il est allé acheter une bague au culte.